plein de choses qu'ils me disent que, mais pour un nom, un gars qui pense pas qu'il y a du monde au bar, mais c'est une façon ordinaire de dire je pense que, ben. C'est la psychologie. Quoi? Tu peux pas arriver à quelqu'un et dire bon, ben c'est le même, puis c'est le même, puis c'est le même. Vas-y, qu'est-ce que tu te prends, toi? Fait que tu dis je pense que. J'ai l'idée que. Tu peux pas dire, il dit. Tu peux pas dire, il dit ce que, parce qu'il va dire, ah, c'est ça, il dit ce que, tu veux me traiter à la grande bâtisse? Fait que tu dis je pense que. Il me semble que ça serait probable que. C'est des mots. C'est comme mon chum qui est philosophe, un grand sartrien. Il m'arrive un jour, puis il me dit, on parlait, je sais pas si on parlait de l'atome, on parlait de l'âme. Il me dit, non. J'ai dit, t'as pas le droit de me dire, non, qu'est-ce que t'es, toi? Ah, puis je t'ai de même. Ah, il a sauté de même. J'ai dit, qu'est-ce que tu te prends, toi, pour me dire, non. T'as pas le droit de dire non à un homme. Mais sais-tu que, après que j'y ai dit ça, ça a changé toute sa vie. Parce qu'il avait une grande sensibilité. Il est allé au. Il a tout fait l'analyse de ça, il me dit. Non. J'ai dit, t'en as du culot de me dire non. J'ai dit, tu sais pas, moi, si je suis pas Dieu le pèse en terre. Tu peux dire non, mais tu sais pas, dans le fond, hein? Oh, là, il vibre en maudit. Comprends-tu, toi? Non, il était comme ça sur le bord, le gars, puis il commençait à être sûr de lui, puis là, tu viens de planter ça, là, le gars. Non, mais ça, c'est le philosophe. Tu commences à être un philosophe. Et je l'ai accroché par l'affaire, il dit non, pour lui faire réaliser quelque chose. Si on revient, mais par rapport que, puis supposons que. OK, il y a une part, là, que je suis pas vraiment. Ce n'est, mais il y a une autre part, c'est la psychologie, justement. C'est. Ça arrive pas souvent qu'un gars qui dise c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a les Jéhovah, puis il y a les Baptistes, tu sais. Ouais. Mais. Il y a Bernard aussi, tu sais. En vie tous les jours, tu sais. Moi, je travaille chez Eaton, tu sais. Peut-être j'essaie, tu sais, mais je vis bien certain, tu sais. C'est comme ci, puis c'est comme ça. Puis de toute façon, je ne suis pas dans ma peau vraiment, tu sais. Je sais parce que je ne suis pas fusionné. D'abord, tu peux pas parler de même au monde. Quand tu parles d'envie, moi quand je parle au monde d'envie, je parle au monde d'envie, je dis supposons que. Mais quand on se parle entre nous autres, là je suis obligé de parler d'une autre façon, puis te faire comprendre la mécanique du supposons que. Mais dans la vie, t'es obligé d'être courtois avec les gens, tu peux pas. Les gens peuvent pas. Tu peux pas demander aux gens de te comprendre. Fait que t'es obligé de toujours descendre au niveau du monde, là tu dis supposons que. C'est très bien, c'est normal. Mais je t'explique, je vais t'expliquer la mécanique du supposons que. Ça fait comprendre qu'un jour, tu pourras pas dire, supposons que, parce que vibratoirement, tu pourras pas. Mais des fois, ça m'arrive, là, des affaires niaiseuses qu'on est sûr, OK? Puis la personne, elle est sûre du contraire. Là, il y a comme un conflit, bon, mais tu veux pas blesser rien, tu sais. Fait que là, c'est un raffinement, je pense, hein, de psychologie. Ouais. C'est un raffinement. Parce que le gars, sans ça, il est donc frais, puis... C'est bien important, la psychologie. Savoir parler au monde. Mais il faut que tu en arrives à sortir de la nécessité d'avoir approuvé quelque chose pour ça. Comprends-tu? Parce que tu es encore là-dedans. Une fois que tu es sorti de la nécessité de prouver quelque chose, parce qu'il vient un point, tu es intéressé à parler rien qu'au monde qui ont des oreilles. Ceux qui n'ont pas d'oreilles, tu pas intéressé, tu n'as pas de part. Parce que tu n'es plus astral. Quand tu es astral, tu as encore un corps de désir, mais tu veux prouver, parce que dans le fond, tu veux te justifier, tu veux te remonter. C'est là que les erreurs entendent. Si tu parles à du monde qui comprend, c'est facile. Vous allez dire, supposons que c'est le même. Puis ils comprennent, ils savent que c'est le même, mais c'est toi qui l'as expliqué, puis eux autres vont t'expliquer une autre façon, un autre aspect d'affaire. On prend un petit coke. Ce qui me fascine le plus chez l'homme, c'est que l'homme, ce qui me fascine le plus dans l'expérience de l'homme, c'est que l'homme ne peut pas sortir de son existence, de la trappe de son existence, tant qu'il n'est pas suffisamment averti. Quand il est suffisamment averti, là, il va commencer à regarder, puis avec le temps, là, il commence à en sortir. Mais le côté qui est difficile à digérer dans l'expérience de l'homme, c'est que l'homme ne peut pas le faire par lui-même. Si les gens pouvaient arriver à cette fusion, sans qu'il y ait du monde comme moi qui vienne sur le plan matériel pour lui donner un coup de pouce. L'humanité ira vite. Parce que c'est plein de gens qui sont prêts. Moi, c'est plein de gens que je rencontre qui me disent, ils me disent que, qui ont des contacts, ainsi de suite. Seulement, c'est tellement astral l'affaire que ils sont tous pris comme dans du fil barbelé. Ils ont la sensibilité, ils ont la perception extrasensorielle, ils ont des niveaux d'intelligence qui dépassent la masse, ils ont des connaissances intérieures que seuls eux vivent parce qu'ils n'ont pas d'amis avec qui parler. Mais si les gens pouvaient vivre ça tout seul, puis réellement passer à travail, puis en arriver à la fusion tout seul, sans qu'il y ait toujours besoin d'avoir quelqu'un qui vienne, puis qui chambarde tout, à ce moment-là, l'humanité irait beaucoup plus vite. Parce que l'humanité n'aura pas besoin d'attendre un moment dans son histoire pour que ce noyau-là se forme. Mais c'est impossible que ce soit comme ça parce que pour que ce soit comme ça, ça nécessiterait que automatiquement les gens se fusionnent. Fait que t'aurais des fusionnés tout partout sur la terre, t'aurais des initiés tout partout sur la terre, puis automatiquement le courant de la civilisation sera totalement déchiré. Tu dis, Bernard, que tu es le dernier des initiés, tu as dit qu'il est venu, toi? Quand je dis que je suis le dernier des initiés, je dis que je suis le dernier des initiés de l'ancienne lignée. L'ancienne lignée des initiés. Les initiés qui ont œuvré à l'évolution de l'homme. Les initiés qui ont donné à l'homme du matériel pour que l'homme dépasse ses stages inférieurs. Dans l'avenir, l'homme dépassera ses stages par lui-même. À ce moment-là, il n'y aurait plus besoin d'initiés. Parce que les hommes seront suffisamment dans leur intelligence pour passer. Mais on est à un stage difficile de l'évolution parce que on est à un stage où toutes les formes sont remises en question. C'est pas qu'une maudite situation. Tout est remis en question. Puis quand tu vis que tout est remis en question, automatiquement, tu es obligé de tourner ton dos sur ton ancienne vie pour aller dans ton autre vie dont tu ne connais pas les limites. Puis c'est ça qui est difficile pour l'homme. Moi, je regarde Aimé Michel, Aimé Michaud. Aimé Michaud, c'est un cas bien particulier parmi vous autres. D'abord, Aimé Michaud, c'est un excentrique de personnalité. Dans ce sens que c'est un gars qui est très individualiste. Ah, le fait qu'il est individualiste, qui fait partie de son évolution, qui fait partie de son caractère émotionnel, qui fait partie de son caractère mental, ça lui donne la propriété d'avancer, mais toujours en checkant. Donc, il avance en checkant de sorte que, d'un côté, ça le protège, parce que ça l'empêche de se faire embobiner par toutes sortes de monde, puis toutes sortes de situations. Puis d'un autre côté, ça le retarde parce que c'est une sorte de frein. C'est un couteau à deux tranchants. Aimé, il y a un couteau à deux tranchants. Il y a une situation en lui qui le fait avancer sans qu'il y ait trop d'interférences dans sa vie, parce que c'est pas un gars que tu rentres dans n'importe quel bateau, à cause de sa nature d'esprit. Il te regarde toujours avec un œil, comprends-tu, de... Bon, il check. Il étudie, il regarde. De moins en moins, mais il regarde pareil. Ça, c'est bon parce que c'est sa sécurité. À cause de son émotivité, sa sensibilité, s'il n'y a pas ça, je te jure qu'il ne serait pas un témoin de Jéhovah, c'est juste. Parce que c'est un être spirituel. Puis d'un autre côté, ça retarde son propre mouvement. Parce qu'il y a une quantité d'énergie qu'il peut prendre, puis une quantité d'énergie qu'il peut pas prendre. Il y a des choses que je peux dire, moi, qu'il va prendre. Oui, il va pas les nier nécessairement, mais il va les mettre sur sa corde de chambre. Il va les mettre sur l'étagère quelque temps, il va s'asseoir dessus. D'après ça, quand il les a digérés, il est comme un serpent. Quand il les a digérés, là, il avance. D'après ça, j'en donne encore, puis il les met encore sur les étagères. Puis il te donne une maudite étagère, comme ça. Là, il avance. Ça, c'est sa façon à lui. Puis chacun de nous autres, on a des mécanismes différents. Lui, c'est un autre. Lui, il est comique. Lui, il était un petit peu comme Aimé Michaud, ben différent. Il est un petit peu comme lui dans le sens qu'il check tout le temps. T'sais, il te screen tout, il te file tout. C'est bon, parce que ça fait partie de son individualisme. Ça l'empêche de se faire embarquer dans tout ça de patente. De l'autre côté, c'est le même mécanisme encore qui retarde sa propre évolution parce qu'il peut apprendre, mais il va checker. Mais pendant que tu checkes, tu perds les clients. Quand tu veux checker ton stock, c'est de vrai, tu perds les clients. Autrement dit, c'est plus là. C'est pour ça que la fusion, c'est tellement extraordinaire. Parce que dans la fusion, tu peux plus checker rien. Dans la fusion, Charlie, tu fusionnes, puis ils te donnent tout ce qu'ils veulent te donner. que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, faut que tu l'absorbes, faut que tu le digères, faut que tu le souffres, faut que tu le transcendes, mais t'avances en maudit. C'est la différence. Sinon, je pense que ça prend... La fusion elle-même est instantanée, mais le choc vibratoire, là, justement, des corps, ça prend des années. Mais t'es obligé de le prendre. La souffrance de la fusion t'apprend. Tout ce qu'ils te disent, tout ce qui te garoche par la tête, quand tu te fais parler pendant des années, puis des années, puis des conneries, puis des conneries, puis des conneries, puis des conneries, puis le corps mental, il est plus capable, il est plus capable d'en prendre. Fait que, quand t'es rendu que tu peux plus passer, tu t'assais bien, tu reposes. Mais t'avances vite. Parce que ton ego ne peut plus faire interférence, t'as fait le don de ta personnalité. Non, mais ça, là, je pense qu'il y a certaines expériences comme la mort, la perte de quand t'es quoi? Tu le vis tout le temps suivant ton état émotif? Moi, la seule chose... Bon, moi, t'as expliqué d'après moi. Supposons que ma petite fille a un accident, moi, ben, elle se ferait tuer. Là, je serais en maudit contre l'autre parce que je dirais, bon ben, vous m'avez menti tout le long. Comprends-tu? Mais étant dans le mental, je dirais, ok, tu m'as menti, Charlie, mais c'est final. D'avoir des enfants, tu n'aurais plus. Tu n'en ferais plus. Puis, parce que tu viens à un point, tu veux pas te mettre dans une situation difficile pour rien, parce que avoir un enfant, c'est une situation difficile. Anyway. Mais je serais en maudit contre là. Mais mon état mental aujourd'hui me permet de savoir que ça, c'est pas possible. Oui, dans ton cas. Oui, mais je vous explique la situation. Mais lui, la question qu'il a posée, les gens qui ne sont pas fusionnés. Oui, oui. C'est ça que je dis. Les enfants, les gens qui ne sont pas fusionnés, moi, si ça m'arrivait, je serais en maudit contre eux autres. Mais ma petite, je perdrais pas d'énergie émotionnelle sur ma petite. Je serais bien plus en maudit contre eux autres. Je gueulerais pendant une heure de temps. Parce qu'eux autres m'auraient menti. Puis il y aurait une raison encore pour m'amener à tout prendre. Oui, mais toi, tu sais. Ouais, mais je t'explique. Ça revient au même mécanisme. La seule chose, c'est que je ne souffrirai pas dans ma petite. C'est pas ma petite, ma souffrance. Ça sera. Je vivrai la colère de mon contact avec eux autres. Je suppose que quelqu'un va mourir. Je suppose que tu meurs toi-même, moi, tu meurs toi-même. Ouais. Tu peux pas vivre ça, c'est-à-dire... Moi, je mourrais pas. Moi, mais attends, là, tu peux même te réagir, tu vas mourir. Quelqu'un qui n'est pas fusionné... Une personne peut ne pas être fusionnée puis savoir qu'elle va pas mourir. Moi, ma femme, elle sait très bien qu'elle va pas mourir. Ça fait... Tu sais, le mot fusion, c'est bien subtil l'affaire du mot fusion. Le mot fusion, je l'aime parce que il est nécessaire, mais je l'aime pas parce que il implique que des gens qui ne sont pas fusionnés ne peuvent pas avoir cette certitude. Puis ça, c'est faux. Parce que les gens, il y a des gens que je connais qui ne sont pas fusionnés, mais qui ont un haut niveau de conscience et qui savent exactement ce qu'il y en est. La fusion, c'est simplement un outil pour empêcher que l'ego, le corps astral, fasse interférence avec les forces de lumière. Tu n'as pas besoin d'être fusionné pour savoir que ça va être de même que ça va se passer. C'est aux hommes en arriver à un niveau de conscience suffisamment élevé en vibration pour savoir que c'est de même que ça va se passer. Puis si une personne perd son enfant, si vous arrivez à un certain niveau de conscience, vous savez si vous pouvez perdre vos enfants ou si vous ne pouvez pas perdre vos enfants. Vous le savez. Mais tant que vous n'avez pas ce niveau de conscience-là, vous ne le savez pas. Mais vous êtes suffisamment dégagé émotivement pour bien le prendre. À ce moment-là, est-ce que, disons, on vient à la mort, est-ce que c'est une forme? Quoi? La mort. La mort, c'est une forme? Non, la mort, c'est une insulte. Donc, il n'y a pas d'attachement à la mort, finalement. Il n'y a pas de poids émotionnel qu'on peut réserver. Pas quand tu es conscient. Parce que c'est pas une mort. Non. Non. Il y a une grande émotion liée à la mort. D'accord, une grande émotion que tu vis selon ton émotivité. Donc, t'es pas obligé de mourir pour connaître l'émotion de la mort. T'es pas obligé de mourir. Connaître l'émotion de la mort. Parce que quand tu penses à la mort, t'as une certaine émotion. Ouais. Tu sens comme pris, tu sens comme poigné. Ouais. Limité. Ouais. Tu sens belle lutte, finalement. Ouais. Alors, ça, c'est un gros poids émotionnel. Ben, effectivement, c'est un gros poids émotionnel. Mais comme ça, t'es pas obligé de vivre ce poids-là pour t'en détacher. Parce que ça, c'est de l'émotion. Ce que je veux dire, c'est cette émotion-là qui est rattachée à ça. Tu vas-tu transmuter? Si tu ne dis pas, tu ne dis pas. Si tu la transmutes, c'est parce que tu ne meurs pas. Parce qu'au fur et à mesure que tu transmutes l'émotion de la mort, automatiquement, tu entres dans la période de vie ou la phase de vie qui t'amène au-delà de la mort. C'est pour ça qu'une personne qui sait qu'il ne meurt pas, une personne qui se sait immortelle, ne vit pas l'émotion de la mort. Mais tant que tu ne sais pas que tu es immortel, tu vis l'émotion de la mort à un certain niveau. Mais plus tu te conscientises, moins tu en souffres de cette émotion de la mort-là. Je vais donner un exemple. Souvent que je prendrais quelqu'un de vous autres, là, puis que je sais qu'il va mourir, je sais que cette personne-là ne meurra pas de la même façon qu'elle serait morte si on ne s'était pas rencontré. Parce que le niveau de conscience change. Puis de la même façon, si qu'il y en a parmi vous autres qui ont des enfants et que l'enfant meurt, mais vous ne vivrez pas l'expérience de la mort de votre enfant comme vous l'auriez vécu si vous n'aviez pas eu ce niveau de conscience que vous avez. Fait que la mort, c'est la même chose. Bon, mais ben, va plus loin, là, va jusqu'aux limites, aux confins de l'expérience de l'homme, aux limites de la vie mortelle. C'est la même chose au niveau du supramental. Il vient un point que tu es suffisamment dans le mental que tu ne peux pas mourir. Puis la raison pourquoi tu ne peux pas mourir, c'est parce que tu ne peux pas mourir. Mais ça, c'est vibratoire. C'est vibratoire. Ça ne se traduit pas par des mots. Tu dis pas mourir, il vient un temps où tu quittes ton corps physique quand même. Ouais, mais c'est pas mourir, ça. Non, mais rien n'empêche que la carcasse, elle restera pareil. Ouais, elle reste là, mais elle reste là sous ton contrôle. C'est pas mourir. Elle reste là sous ton contrôle. Ouais, elle reste là sous ton contrôle. Elle est sous le contrôle de ton corps éthérique. Tu veux dire que, je sais pas, moi, 200 ans après, tu peux reprendre le contrôle de ce carcasse? Si tu veux, certainement. Si tu veux t'en débarrasser, tu t'en débarrasses. Mais tu meurs pas, il y a une continuité de conscience. Tu t'en vas sur un autre plan. Je vais donner un exemple. Supposons que tu es dans l'eau. Tu fais du diving dans l'eau. Tu as une bonbonne d'oxygène, là, tu te laisses, OK? Puis là, tu vas aller sur la terre ferme. Tu enlèves ta bonbonne d'oxygène, puis tu t'en vas sur la terre ferme. Tu n'as plus besoin. Ta conscience, elle continue. Ta condition de vie est totalement changée. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ce qui se produit dans la mort de l'homme, c'est que dans la mort de l'homme inconscient, dans la mort inconsciente de l'homme, c'est que l'homme s'en va dans l'astral parce qu'il est astral. Si t'es astral quand tu meurs, tu t'en vas dans l'astral. Mais si t'es mental quand tu meurs, tu t'en vas sur un plan de lumière. Tu t'en vas dans l'astral. Il y a quelqu'un dans son plan de vie là, qui. Disons qu'il a commencé à se conscientiser, là, puis il arrive à un accident, quelque chose. Là. C'était dans son plan de vie, puis il crève. Rendu de l'autre côté en astral, es-tu différent des autres? Ben oui, il est différent des autres parce qu'il est plus avancé dans son évolution. Il est plus prêt à se. À ce moment-là, il peut-tu en conscientiser d'autres de l'autre côté? C'est exactement ce qui se produit. Exactement ce qui se produit. Parce qu'une fois qu'il arrive de l'autre bord, c'est bourré de l'autre bord de personnes, d'hommes, des millions et des millions d'hommes qui sont en attente, qui sont prisonniers du temps. Fait qu'un homme qui a été conscientisé sur le plan matériel puis qui arrive au bord, parce que c'était pas le temps, qui rentre dans l'immortalité, à ce moment-là, il aide à l'évolution sur l'autre plan. Puis il y en a bien des aides qui aident à l'évolution sur le plan, sur les plans spirituels, sur les plans de la mort. Effectivement. En ce moment-là, si t'es dans l'astral, si t'es l'autre bord, si dans les plans de la mort, il faut que tu reviennes quelque part. T'as pas besoin de revenir sur ta planète ici, mais tu peux aller sur une autre planète. Parce qu'à un certain moment dans l'évolution, il faut que l'homme se serve de son corps morontière. Il faut que l'homme développe un corps morontière. C'est le corps absolu de l'homme, le corps morontière. Alors, faut que l'homme ait un corps mononciel. Le corps mononciel, il se développe pas si l'homme n'est pas en contact, il est pas en... si l'homme n'est pas en contact avec l'âme, si l'âme n'est pas fusionnée avec l'ajusteur de pensée. Ça veut dire que l'homme, biologiquement. Parce que le corps mononciel, c'est pas simplement un corps, c'est un transport, le corps mononciel. C'est un transport. Ça sert de transport. Avec le corps mononciel, tu voyages dans l'univers entier. Tu voyages. Si tu veux te rematérialiser, tu te rematérialises. C'est un transport. La différence entre l'immortel et le nouveau, une grosse différence. Ah, une grosse, très grosse. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, je ne sais pas si vous l'avez catché quand je l'ai dit. J'ai dit, il y a deux phases dans l'involution et l'évolution. Il y a deux phases dans le temps où on est. Il y a des êtres qui formeront ce que j'appelle le gouvernement invisible, ce que j'appelle les maîtres, les pères de la sixième race, puis il y a la sixième race. J'ai jamais dit que la sixième race serait immortelle. Les champs vibratoires, ça, c'est la même chose. Même... Exactement. Exactement. C'est pour ça, parce que c'est subtil. J'en laisse pas trop sortir de ça, parce qu'il y a tellement de choses que les gens doivent comprendre avant. Mais je sais très bien que l'intérêt que j'ai sur le plan matériel, pendant les quelques années que je travaille, c'est pour... créer un noyau, d'abord, un noyau dans une région de la planète quelconque qui puisse continuer à évoluer. Mais je sais que parmi ce noyau-là, il y a des gens qui feront partie de la sixième race et il y en a d'autres qui feront partie des pères de la sixième race. Puis à un certain moment, ce ne sont plus des gens qui font partie de la sixième race qui seront dans mon champ d'activité direct, ce sont ceux qui font partie des pères de la sixième race parce que ce sont ces gens-là qui constitueront le gouvernement invisible. Qui s'occupera de l'évolution de la sixième race physique. Puis si vous regardez, si vous lisez bien Saint-Jean, là, il y en a-tu qui lit Saint-Jean? L'Apocalypse de Saint-Jean. Regardez dans Saint-Jean, vous allez voir quelque part que il y a deux phases. Il y a une phase qui est générale pour l'humanité, puis une phase qui vient avant celle-là. Si vous m'apporterez une fois une Bible, là. Celle qui vient avant, ce sont les pères, ceux-là? Celle qui vient avant, ce sont les pères. Il y a deux phases. Ça veut dire qu'il y a des gens de sixième race qui vont être conscients, comme tu dis, centrés au bout, qui vont mourir, mais en deux, qui vont passer à l'astral quand même. S'il y a une sixième race, tu dis, puis en plus, il va y avoir les pères, puis il va y avoir une sixième race qui vont continuer à évoluer. Quand ils vont crever, cette sixième race-là, qui ne sont pas immortels, ils vont passer au plan astral, ils vont recommencer encore. La fonction de sixième race, c'est de donner naissance à des sur-races qui donneront naissance à la septième race, qui permettront à l'homme de devenir l'homme-esprit. La fonction des pères de la sixième race, c'est d'immortaliser le gène de la lumière sur la planète Terre et de donner une continuité cosmique à l'humanité pour que les races qui viendront après soient constamment dirigées dans leur évolution par des êtres qui sont immortels. Au lieu d'être dirigé dans une révolution par des êtres qui sont sur le plan matériel, qui amèneraient automatiquement un retour qu'on a connu à l'inconscient de l'humanité. Les pères de la sixième race agiront totalement dans l'invisible. Ils seront dans l'invisible et agiront dans l'invisible. Quitte à se matérialiser, ça c'est pas grave, mais ils agiront dans l'invisible et matérialiseront leur corps s'ils ont besoin d'entrer en contact avec toi. Mais les immortels doivent mourir à la chair. Et les immortels mourront à la chair. Mais leur mort à la chair ne sera pas la mort mortelle de l'homme inconscient, ça sera une mort de translittération, ça sera un passage à un autre niveau de conscience, quitte à ressusciter la chair s'ils ont besoin, mais en la ressuscitant d'une autre façon, jamais avec la densité qu'elle possède aujourd'hui. Parce que les corps sont parfaits, oui. L'énergie bleue, est-ce que les deux l'ont? L'énergie bleue, les deux l'ont parce que c'est une énergie spirituelle. Pour vous expliquer un peu le phénomène de l'immortalité, moi, je vais vous expliquer ça. Il va venir un temps où l'homme va entrer, va venir en contact avec ce que j'appelle des transports de lumière. Ces transports de lumière-là sont des vaisseaux construits par une science qui est cosmique et qui permettront aux hommes de la Terre qui sont prêts à donner naissance à une évolution supérieure, ce qu'on appelle la sixième race, à entrer dans ces vaisseaux-là pour que leur corps soit transmuté, pour que ces hommes-là, pour que les sens soient ouverts mécaniquement et pour que ces hommes-là puissent revenir sur la Terre avec des pouvoirs. ça sera la sixième race. La sixième race aura des pouvoirs. La sixième race pourra se promener dans le monde matériel avec des pouvoirs. Ça fera partie de sa vibration. Mais les immortels, les pères de la sixième race, n'iront jamais dans les vaisseaux de lumière. Ils n'auront jamais à aller dans les vaisseaux de lumière pour qu'ils vivent la transmutation de leur centre d'énergie, parce que la transmutation aura été faite sur le plan matériel. Alors, les immortels souffriront la transmutation dans la chair, tandis que les membres de la sixième race souffriront la transmutation dans le passage du plan matériel à ces transports-là qui les ramèneront ensuite sur le plan matériel. Mais ce ne sera pas une souffrance. Mais ils vivront l'expérience. Ils deviennent immortels avec ça? Non. Ils ne deviennent pas immortels. Mais ils ont le pouvoir sur la matière. Les gens de la sixième race auront le pouvoir sur la matière. Tandis que ceux, les immortels, ont le pouvoir sur l'esprit de la matière. Comment les pères de la sixième race sont dans les terres? Les pères de la sixième race sont dans les terres. C'est vrai. Et quelqu'un qui a le pouvoir sur la matière, qui, ceux qui ont été opérés, à ce moment-là, ils vont pouvoir allonger leur vie civile. Oui, parce que la science sera très avancée. Ils ne sont pas immortels, mais ils peuvent vivre 400 ans. Oui, les gens vivront plus longtemps. Oui. Mais la sixième race se servira de la science très avancée pour allonger la vie, pour faire bénéficier l'humanité. Tandis que les immortels ne se serviront pas de la science. Parce que les immortels font partie d'un corps évolutif dont la fonction est d'établir sur la Terre une forme de gouvernement invisible pour l'évolution de la sixième race. Derrière la science cosmique de la sixième race, il y aura toujours l'intelligence et les activités constantes et permanentes, tant que ça devra durer, des immortels. Et, ouais. Ceux de la sixième race là, qui vont pouvoir créer tout ça, il va y avoir des lois qui vont être promulguées sur le plan invisible de l'État par les pères de la sixième race. C'est juste. Ils n'auront pas le pouvoir d'aller en dehors de ça? Non, ils ne pourront pas aller en dehors de ça parce que s'ils vont. Oui, ils vont savoir parce que ça fera partie des lois de la société nouvelle. Et les membres de la sixième race qui iront contre les lois établies par les pères, par les immortels, seront automatiquement bannis de la société. Ça va savoir comment, vibratoirement ou bien. Ça va se savoir vibratoirement, ça va se savoir par communication télépathique, ça va se savoir dans les écoles, ça va se savoir. Parce que sans ça, si les pères, s'il n'y avait pas derrière l'évolution de la sixième race un gouvernement invisible, automatiquement la sixième race, à cause de la conscience des pouvoirs, à cause du pouvoir des pouvoirs, la sixième race deviendrait très très rapidement enracinée dans Magie Noire. D'ailleurs, c'est ce qui se produira à la fin de ce cycle-là, ce que vous appelez, vous autres, l'Armageddon, où ça sera le conflit entre la magie blanche et la magie noire. Ça va se diviser, autrement dit, il y a des lois qui vont être violées sans que... Il y aura des lois éventuellement qui seront violées, oui. Sans que les pères aient le pouvoir de communiquer. Non, les pères, le seul pouvoir qu'auront les pères sur la sixième race, c'est d'initier sur le plan matériel par divers mécanismes, des lois suffisamment puissantes et grandioses pour que les hommes conscientisés de la sixième race, parce qu'un homme conscientisé qui rencontre un immortel dans une situation quelconque, automatiquement sa conscience est élevée, sa science est agrandie, sa vie est beaucoup plus créative. Mais il y aura toujours des hommes qui n'auront pas la même sensibilité, puis c'est de là qu'éventuellement se détériorera la sixième race. Jusqu'à temps que l'humanité ait son droit d'aîné, puis l'humanité n'aura pas son droit d'aîné, tant qu'elle ne sera pas rendue à la septième race. Et à ce moment-là, il n'y en aura plus de descente possible ou d'influence possible des forces de la magie noire à venir. Et à ce moment-là, l'homme commencera un nouveau cycle d'évolution qu'on appelle le cycle jupitérien. Et d'ici à ce temps-là, ce seront les immortels qui dirigeront l'évolution de l'homme derrière les clans. Le plan physique de la matière. Fait qu'il y a deux. Puis c'est marqué dans Saint-Jean. Il y a deux parties. Mais ça, tout ça, c'est sans importance, parce que tout ça, ça va arriver, puis ça va arriver dans son temps. Ce qui est important pour nous autres, d'ailleurs, C'est la seule chose qui est importante pour nous autres. C'est d'arriver à un point dans notre vie où on est bien dans notre peau. Ça, c'est ce qui est le plus important. Alors, toutes les informations que vous recevez concernant les mécanismes de votre propre psychologie, de vos émotions, de vos attitudes, de vos efforts, de votre relation avec l'homme, de votre relation avec la société, tout doit être vu en relation avec la lentille que vous avez dans votre tête, qui est votre conscience qui grandit, puis qui grandit, puis qui grandit, puis qui grandit. Parce que vous devez en arriver à être de plus en plus seul. Vous devez en arriver à vivre une vie de plus en plus seul. Psychiquement seul. C'est ça votre expérience. Ce qu'on comprend pas, on doit le comprendre. Puis ce qu'on ne sait pas, on doit le savoir. Puis notre seule sécurité, c'est notre intelligence. Y en a-t-il qui souffrent du doute encore? Qui souffre du doute? Moi, j'ai jamais vraiment compris ce point-là. C'est du doute? Ouais, ça veut-tu des points de vue de toi-même? Non, non, non. Toi, le phénomène du doute, il est particulier parce que tu es encore dans la phase intellectuelle. Puis le doute que tu peux souffrir, c'est un doute intellectuel, c'est pas un doute interne. Le doute interne, c'est vibratoire. Tu souffres pas du doute interne. Parce que tu te sers encore suffisamment de ton mental pour juger de la validité de certaines réflexions. Tandis qu'il y a des gens qui peuvent souffrir du doute interne, ça c'est vibratoire, puis ils peuvent pas ne pas le souffrir de ce doute-là, c'est interne, c'est vibratoire. Puis ça c'est un travail qui se fait en relation entre le mental inférieur et le mental supérieur, pour que le mental inférieur soit absorbé dans le mental supérieur, puis après ça, ben, tu ne souffres plus du doute. Mon intellect fait obstacle à ça. C'est-à-dire que, pas nécessairement que ton intellect fait obstacle à ça, mais ton intellect t'empêche de souffrir de ça, pour le moment. Mais l'affaire du doute, c'est bien subtil l'affaire du doute, parce que les gens, pas tous les gens souffrent du doute. Il y en a qui souffrent du doute, il y en a qui ne souffrent pas du doute. Comme lui, il souffre du doute. Lui, la raison pour laquelle il souffre du doute, c'est parce que son émotivité est empressée. Il y a une émotivité empressée. Il veut aller vite. Alors, automatiquement, le mouvement d'énergie en lui, qui tend à le tempérer, puis à le tempérer, puis à le tempérer, il est vécu comme le doute. Comprends-tu ce que je veux dire? Qui c'est qui souffrait du doute? Comme lui, son doute, lui, c'est un doute, chacun a un doute particulier. Lui, son doute est fondé sur le fait que chaque fois qu'il pense à quelque chose, ou qu'il y a une pensée qui vient dans la tête, il y avait, mais il n'y avait pas. Comprends-tu ce que je veux dire? Alors, le fait qu'il y avait, mais qu'il n'y avait pas, ça constitue le mécanisme qui crée le doute. C'est le fait de savoir, mais de ne pas vouloir admettre. C'est ça, exactement. C'est l'autre. Bon. Lui, la nature de son doute est fondée sur le fait qu'elle n'est pas encore sûre. Est encore trop faible dans son mental. Tu comprends? Ensuite, le doute. As-tu un autre sorte de doute? Elle, son doute, c'est lié à la nature de son émotivité, puis au fait que c'est une personne qui n'a pas beaucoup de force réelle. Elle a une force, elle a une sensibilité, elle a une sensibilité qui déjoue toujours sa force réelle. C'est comme si sa sensibilité, c'est comme du sable. Tu sais, elle veut monter une colonne, et chaque fois qu'elle monte la maudite colonne, il y a du sable en dessous, la colonne de savon. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça marche, hein? Parce que elle a de la force, elle a du ciment pour la colonne, mais elle met toujours la mauvaise place, il y a ça. Puis il y a deux sortes de mauvaises places qu'elle met. Elle affonde son soi, son réel, sa réalité, sur ce qui a du bon sens, puis ce qui est intelligemment possible. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous? Il faut que vous le compreniez. Sur ce qui a du bon sens, ça vous dit quelque chose? Oui. OK? Puis si, sur ce qui est intelligemment possible, quand je dis ça, là, je veux dire que vous, dans votre tête, il faut que ce soit bien ordonné, l'affaire. Ordonné. Qu'il y ait de l'ordre. Que ça se tienne. Comprenez-vous ça? Oui. Puis quand ça se tient, c'est plus facile pour vous d'avancer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous ça? Oui, oui. Bon. Bon, mais ça, ce fait-là, c'est ça qui crée votre doute. Parce que quand tu rentres dans la conscience, quand c'est bien, je vais vous expliquer quelque chose pour tout le monde. Quand tu rentres, c'est probablement. D'ailleurs, je le sais, elle est là ma force. Quand tu rentres dans l'intelligence, ce que j'appelle la conscience, mais l'intelligence, quand tu rentres dans la volonté, t'as pas besoin, t'es suffisamment fort que t'as pas besoin. C'est comme si. T'as pas besoin de sport. La force, là, de la centricité, la conscience cosmique, tout ça, là, quand un homme est là-dedans, il n'a pas besoin de sport. T'as pas besoin de rien. T'as pas besoin de sport. Fait que tu sois frappé d'un bord ou de l'autre bord ou de l'autre bord ou de l'autre bord ou de l'autre bord ou de l'autre bord, tu prends toujours les coups. Tandis que vous autres, si vous êtes frappé de ce bord-là, ça vous affaiblit. Si vous êtes frappé de ça, ça marche. Comme ça, ça marche. Mais aussitôt que vous êtes frappé de là, wop, vous appelez ça, vous autres, des failles. Moi, quand je vous parle, là, je passe une ballonne, là, je pars dans une autre direction. C'est pour vous accrocher un peu partout parce que je parle à tout le monde. Fait que pour que tout le monde puisse recevoir quelque chose. Fait que là, je vous parle au niveau de vos failles. Vous avez des failles. Parce que quand t'es fusionné, t'en as plus de failles. Parce qu'il te défaille. Mais t'as plus de support non plus. Fait que tu souffres de plus avoir de support. Fait qu'éventuellement, tu deviens totalement centré. Mais tu peux pas avoir de failles puis t'es fusionné. Et fusionné, c'est pas avoir de failles. Parce que, étant pas fusionné, vous avez des failles, c'est là qu'ils vous accrochent, puis c'est là que vous grandissez, puis grandissez, puis grandissez. Moi, je comprends pas la peur de dire. Il n'y a pas d'effort à faire. Bon, OK. Quand je dis qu'il n'y a pas d'effort à faire, il y a bien des façons de comprendre ça, il n'y a pas d'effort à faire. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'effort à faire, dans le fond, je vous le dis pour demain. Je vous dis, demain, vous comprendrez qu'il n'y a pas d'effort à faire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre qu'il n'y a pas d'effort à faire parce que vous êtes encore dans l'état de faire des efforts. Puis ce qui est le plus emmerdant pour l'ego, c'est qu'aussitôt que l'ego rentre en contact avec des données de l'intelligence, tout ce que l'intelligence lui donne comme information, c'est toujours sujet à un traitement de ses émotions et de son, et de son mental. C'est tout à l'heure que tu comprends qu'il n'y a pas d'effort à faire. D'ailleurs, il y en a ici qui comprennent qu'il n'y a pas d'effort à faire. Qui c'est qu'il y en a-t-il qui comprennent qu'il n'y a pas d'effort à faire? Qui sont arrivés à comprendre ça? Oui? Oui? Tu ne peux pas le comprendre avant. Tu le comprends après. Oui. En attendant, ben attendez. Puis quand vous allez comprendre, vous allez comprendre. Parce que c'est pas logique qu'il n'y a pas d'effort à faire quand on vit une vie en relation avec des données qui nous impliquent toujours un effort pour s'améliorer. Mais ça, on comprend pour certaines choses, mais après ça, il y a d'autres choses, oui. D'autres choses. Oui. Mais ça, c'est vibratoire. Il vient un jour... On a toujours l'impression qu'il y a des efforts à faire. Oui, c'est ça. Puis éventuellement, l'impression meurt, puis éventuellement, il n'y a plus. Pas d'effort à faire. C'est bon. Mais ça, c'est demain, vous allez comprendre ça. C'est comme si l'effort est confondu avec une forme de force. Une force, c'est le... Ouais. De force. Ouais. Mais l'effort est... C'est pas comme... Vous la confondez, oui, parce que vous impliquez toujours la volonté de votre ego. Puis un jour, vous devez en arriver à entrer dans la volonté cosmique et non dans la volonté subjective de votre ego, parce que votre ego n'a pas de volonté anyway. Mais quand vous rentrez dans la volonté cosmique, vous n'avez plus d'effort à faire, ça, vous êtes... La force, ça passe en vous, puis elle vous fait agir. C'est ça. C'est qu'on pense à un moment donné qu'on est bien, là. Ouais. Puis là, on se plaigne, il arrive d'autres choses. Ouais. Puis bien, ça se passe encore à travers d'elle. Ouais. Ouais. C'est ça, t'as pas d'effort. Ce qui amène la centricité. Ce qui vous amène à la centricité. C'est pas un effort de force, non. Ça. C'est un effort de volonté. Ouais. Il y a une différence entre l'effort et la volonté. Il n'y a pas nécessairement de la volonté dans l'effort. Moi, j'en fais pas d'effort, j'en fais jamais. Pourtant, je suis toujours dans la volonté. L'effort, ça fait partie du corps de désir. Ça fait partie de la détermination. Ça fait partie du désir personnel de l'ego. Mais dans la volonté cosmique, il n'y a pas d'effort à faire. Le désir de l'ego, il n'est pas là. L'énergie passe, puis ça marche, pas là. Mais c'est parce que notre ego, pour nous autres, notre ego, on vit attaché à notre ego. On est renié par notre ego. Au lieu que l'ego soit harmonisé à l'énergie de l'âme. On veut toujours chauffer, nous autres. Je gage que s'il y en a un, vous avez fait l'expérience, allez dans votre char, allez-vous à la route, là, puis Enlevez vos mains sur le steering, puis pesez sur le gaz. Vous allez voir que votre ego va réagir, puis va vous empêcher de le faire. Puis il fait bien. Mais si vous étiez dans la volonté, que la volonté pouvait passer suffisamment, vous pourriez vous asseoir au steering, puis le char, il se conduirait tout seul. Il n'y a pas d'affaire à faire. Mais pour que votre ego puisse vivre cette expérience-là, il faut que l'ego astralement soit transmuté, parce que l'énergie ne peut pas descendre pour faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que vous avez le choix. Soit conduire votre char avec vos mains dessus, ou sans vos mains dessus. Mais vous n'avez pas le choix. Parce que votre émotion va empêcher l'énergie de descendre pour le conduire, la chance. C'est ça, Richard, dans son vie. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Ouais. Ouais. Mais faut que tu veuilles passer. Faut que tu veuilles passer. Ouais. Puis, il y a une condition à ça. Faut que tu veuilles passer parce que tu peux passer. Parce que si tu veux passer, tu peux pas passer. Tu vas être obligé d'avoir un chirurgien demain matin. Il y en a bien du monde qui veulent passer, j'en connais. Ça, c'est anti-l'ego. Ça, c'est des philosophies spirituelles. Tu sais? C'est des philosophies spirituelles. Mais de rentrer dans la réalité de ça, c'est tomber la manche. C'est ça que les philosophes ont toujours fait. Ils nous ont toujours donné du matériel philosophique, spirituel. Puis les gens s'arrangent, comme on a dit, puis ils veulent aller passer à travers du mur, puis il y en a qui essaient. Puis ils se pètent la fracasse. Mais, une chose, c'est que moi, j'essayais de combattre, d'une certaine façon, de voir le combat. Ça m'a piqué de l'argent, du temps, puis la volonté, puis le travail, puis l'attente. Je suis pas de rien faire. Il m'a arrêté. Vous êtes en paix? Ah non, moi, c'est un petit peu moins. Mais les yeux moins, mon galopé. Tu sais, moi, tout ça fait. Monétairement, le travail, tout ça, pas. Je prends un coup d'attention. Ouais. Ok, moi, je vais vous expliquer votre affaire, votre col. C'est bien subtil. Ouais. Ouais, ok. Je vais vous dire une chose. La raison pour laquelle il vous stoppe, c'est parce que vous vous permettez d'être stoppé. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être stoppé parce que vous avez en masse d'affaires à faire. Comprenez-vous? Vous vous permettez d'être stoppé. C'est par le biais de l'émotion qui vous stoppe. Ouais, mais moi, je n'ai pas d'émotion. Ça fait ça. J'ai conduit, je continue à conduire. Mais il me stoppe toujours, il y a toujours des endroits. Mon affaire, ma partie en affaire, là, elle marche pas. Ouais. Mais moi, je me dis à un moment donné, il va dire que je fais quelque chose. Ouais. C'est ta destination avec ça. Ouais. Ils vont toujours se servir de votre situation pour changer vos vibrations. Mais à un certain moment, si ce qu'ils font va contre vous, je parle contre vous sur le plan matériel, là. À ce moment-là, il faut que tu y mettes le haut là-dedans. Ah! Ce qu'il y a à faire sera toujours déterminé par vous quand vous n'aurez plein de cul. Quand tu n'auras plein de derrière, là, tu te feras enlever trop d'arbres sur le pied, là, c'est à ce moment-là que tu vas réagir. Il y a une question de volonté là-dedans? C'est là qu'en vient la volonté. C'est là qu'en vient la volonté. Sans ça, ils vont te mettre tout nu dans la rue. Ça va aller jusque-là. Mon cher, il n'y a pas de limite pour eux autres. Il n'y en a pas de limite pour eux autres. Tout sert. Moi, quand je vous dis, tout dépend de vous autres. Mais vous ne réalisez pas ça, vous autres, tant que vous n'avez pas suffisamment parti. Toi, tu commences à comprendre ça?